Les personnalités politiques de divers pays exaltent les exploits du général Kim Jong-il accomplis pour l'édification du parti coréen. Le président de la Ligue populaire bangladaise, le président du conseil central du parti politique de la République populaire unie Kirghiz-El du Kirghizistan, le secrétaire général du parti communiste du Congo démocratique et autres personnalités ont indiqué que Kim Jong-il a développé le parti du travail de Corée en partie formant l'unité avec les masses populaires et servant fidèlement le peuple en se chargeant entièrement de son destin. Ils ont ajouté qu'il a défini la politique de Sun Gun comme mode politique principal socialiste et développé davantage le parti coréen en organisation politique dirigeant la cause révolutionnaire de Sun Gun et souligné que l'humanité se souviendra à jamais de ses exploits.